une histoire particulière. À l'initiative du Centre des Monuments Nationaux, Vive la Mariée est une exposition qui se tient au château de Champs-sur-Marne jusqu'au 12 septembre 2018. Symbole d'un grand jour, la robe de mariée occupe une place à part dans la garde-robe féminine. Elle a le plus souvent suivi la mode bourgeoise, reflétant ainsi les préférences esthétiques et morales de son époque. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle ne résiste pas à l'évolution des mœurs. C'est l'occasion pour nous de redécouvrir l'histoire d'une boutique parisienne du 10e arrondissement spécialisée dans les dessous féminins et la corsetterie. Derrière les rubans et les tissus, c'est surtout avant tout une histoire de corps. Mais que faites-vous ? Je prépare la saison d'été. Oui, je vis toujours en avance de 6 mois sur la clientèle. Et j'ai décidé que les femmes montreraient leurs mollets à la plage cet été. Oh ! Oh ! Mais c'est d'une indécence. Mais jamais une femme convenable n'osera mettre ça. C'est bien ce que nous verrons. Décidément, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Vous avez peut-être raison. Mais quittons-nous sans aigreur, voulez-vous ? Au revoir, chère madame. Adieu, monsieur. Les dessous d'Auguste Clavry. Marie Chartron, Assia Khalid. Premier épisode, Histoire de la boutique. Bonsoir, madame, est-ce que je peux vous prendre cet ensemble, là, il faut prendre celui qui est sur le... Ah, le noir. Oui. Alors, il faudrait voir votre taille aussi, parce que c'est mon dernier. Alors, la culotte, elle est à 45 et le haut est à 80. D'accord, il n'y a que le noir, il n'y a pas de rouge. Ah, on a eu du rouge. On a eu du rouge, je crois qu'il m'en reste un petit peu. Je vais regarder. C'est pour vous ? Oui. Vous faites quelle taille, madame ? Ah là là. Ah là là, ça c'est... J'ai souvent cette réponse, ah là là. Alors, à l'œil, comme ça, moi pour moi, vous faites du 100-105 en tour. Oui. Vous êtes habillée, vous faites un bonnet D très facile et peut-être D ou E. À voir, après ça dépend des marques, à voir. Mais il faut déjà que je regarde ce que j'ai. En rouge, si il m'en reste. J'ai du 100D en rouge. Et c'est mon dernier. Il a un bon maintien, vous voyez là sur les côtés, comme pour c'est une belle poitrine généreuse, vous avez un renfort hein, sur chaque côté. Vous arrivez gare de l'Est, à Paris. Remontez les quais, traversez difficilement le hall en vous faufilant à travers les boutiques et les voyageurs pressés. Vous êtes englouti à la sortie par le tumulte de la rue du Faubourg Saint-Martin, le flux ininterrompu des voitures. Vous êtes à quelques encablures de Jaurès, de Stalingrad et du canal Saint-Martin. Vous parcourez la rue en longeant la gare lorsqu'une petite enclave désuète arrête votre regard. Une façade en acajou d'une autre époque, ornementée aux enseignes de verre portant des dorures et quelques mètres carrés où l'on semble pouvoir projeter tous les passés, du Second Empire à la Ve République naissante. C'est une boutique de lingerie féminine, survivance curieuse et fragile d'un commerce qui fut de la fin du 19e siècle aux années 60 un véritable empire. On a l'arrière-grand-père qui est présent ici, son buste. Émilie Danois. Auguste Clavry. Ils étaient deux, en fait. C'était deux associés. Monsieur Clavry et Monsieur Boss. On a gardé le nom Clavry, en fait. À l'époque, les deux hommes qui étaient amis avaient décidé de juste appeler ça Clavry. Et moi, en fait, je viens de la famille Boss. Monsieur Clavry n'avait pas de descendants. Il est décédé. La société est revenue à Monsieur Boss, mon arrière-grand-père. Donc, il a repris donc, la société à son compte. Oui, je suis habitant du quartier, mais en fait, j'habitais depuis très longtemps le quartier et j'avais... Guillaume Mallory. Je voyais Clavry, mais il était un peu en état décrépit, quoi. C'est, on peut le dire, quoi. Il y avait une espèce de peinture jaunâtre ou blanchâtre, ou je ne sais plus comment, sur l'acajou. C'est de l'acajou, hein, faut bien se rendre compte, hein, la façade. Donc, c'était classé depuis 2011, à peu près. Mais on ne s'en rendait pas compte, on ne comprenait pas. Il y avait de l'appareil, il y avait quoi, des produits pour les personnes âgées, des choses comme ça. Oui, c'était un peu... Bon, c'était un peu Michael Brock, un peu ringard, voilà. Un peu de la qualité, mais pas très attractif, voilà, pour une clientèle jeune, et même moins jeune, c'était pas attractif. Et puis on voyait pas la légende Clavery. La ceinture d'élégance des sportives. Idéale pour l'auto, le footing, le tennis, le golf, la danse, la montagne, la promenade, etc. Sinegen se fait soit en gaine ceinture, 150 francs, soit en gaine combinaison, 270 francs. Elle peut être établie spécialement sur mesure. Agnès Chauvin, vous êtes chargée d'études documentaires à la Conservation régionale des monuments historiques. Et vous êtes l'une des premières à vous être penchée, un peu par hasard, sur l'itinéraire d'Auguste Clavery, le fondateur de la maison Clavery. Oui, c'est à l'occasion de la demande de protection au titre des monuments historiques de cette boutique qui se trouve rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris, dans le 10e arrondissement, que j'ai pu découvrir cette histoire inattendue d'Auguste Clavery et de son successeur Georges Bosse. Il crée dès la fin du 19e siècle à cette adresse une herboristerie. Visiblement, ce commerce prospère. Et puis parallèlement, donc il dépose des brevets de bandages hernières. Il obtient de nombreuses récompenses aux expositions universelles. Et puis, petit à petit, de simple locataire d'une petite boutique, petite herboristerie, Clavery et son associé deviennent propriétaires d'un grand quadrilatère dans le quartier. Parce qu'ils avaient donc les petites mains ici, mais vous aviez un autre atelier. Alors, ça allait d'abord jusqu'à la rue Louis-Blanc. Là, il y a un hôtel maintenant, mais ça va aller jusqu'à la rue Louis-Blanc. Et par ailleurs, rue de Paradis, qui est un peu plus loin, il y avait encore d'énormes ateliers. Puis après, ils ont décentralisé une usine, parce que ça prenait beaucoup plus de proportions, dans l'Aube, à Romilly, je crois. Ça représente quelle surface ou quelle distance, par exemple? Enfin, dans ce pâté de maison-là, jusqu'à la rue Louis-Blanc. Je ne peux pas vous dire, mais il y a au moins, disons, de là jusqu'à la rue, jusqu'à l'angle de la rue Louis-Blanc, il y a bien 100 mètres linéaires. Hein, je veux dire, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, hein, ça met du monde. Hein. Et puis, avec une grosse profondeur, c'est à peu près, oui, une centaine de mètres. Alors après, jusqu'à la rue de Paradis, tout n'est pas peuplé par Clavery, hein, faut pas exagérer. Mais il y avait des poches comme ça à Clavery. Corset et ceinture de toilette. Il était normal que, cherchant à améliorer le confort et le bien-être des dames délicates ou souffrantes, les établissements Clavery aient été amenés à créer, pour la femme ou la jeune fille bien portante, des modèles de corsets ou ceintures capables de leur fournir le soutien indispensable des organes, tout en leur permettant de conserver la santé, l'aisance des mouvements, ainsi que la sveltesse et la jeunesse de la ligne. C'est ainsi que, depuis l'exposition de 1889, les corsets de Clavery sont devenus la première marque mondiale. Alors, on a ici des photos originales. À l'époque, il y avait encore des ce qu'on appelait les cocottes, donc les mondaines un petit peu de Paris. Et elles venaient chez Clavery se faire des corsets pour leurs amants. Elles venaient souvent avec eux parce que c'est eux qui réglaient les notes. Et on a eu la chance d'avoir à l'époque un petit studio de photos. Toutes les dames que vous voyez là, ce sont donc des clientes qui ont été photographiées au sein même de la boutique ou des bureaux ou des salons d'application à l'étage. Donc où c'était des femmes ce qu'on appelle respectables, où on avait les amantes, les maîtresses qui venaient accompagner du monsieur, et c'est déjà arrivé qu'elles se croisent. On a des petites anecdotes comme ça. Il y avait un petit salon avant on n'appelait pas ça cabine d'essayage, on appelait ça salon d'application. Maintenant il n'existe plus, mais on en avait un où il y avait comme une petite porte secrète pour que le mari, s'il entend sa femme arriver, puisse se cacher. Et puis on a la chance de voir sur ces photos vraiment des tenues d'époque. Et puis nous avons Miss Tinguette, notre star, une de nos stars, parce qu'on a eu aussi Arletty entre autres. On a la photo originale et on a l'autographe de Miss Tinguette, originale aussi, qui dit que le corset d'Auguste Clavery permet une ligne idéale. Donc si Miss Tinguette le dit, c'est que c'est vrai. Un soir je faisais une pleine eau pour tout. j'avais la peau, nul ne pouvait me voir, que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber, j'allais lui dire ta bouche bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Y avait un homme sur un rocher, pas assez haut. L'homme a fait oh, et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nu, oh, toute nue, oh, sans cache-truc ni soutien machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. J'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Alors ça, c'est un pur article publicitaire, si vous voulez. Il ne se présente pas comme une pub, mais en réalité, c'est une pub. Cette gaine si protectrice et si douce fait disparaître graduellement tout en les dissimulant toutes les défectuosités de la taille et du corps. Le corset clavris soutient les seins sans les froisser, redresse et amincit la taille sans gêner la respiration, prévient l'obésité sans refouler et abîmer les entrailles, garde à la femme sa grâce et ses charmes sans entraver la circulation du sang et lui restitue à la fois la liberté et la santé. C'est une gaine exquise de douceur et de grâce. Elle met en relief les avantages naturels de la femme, tout en donnant à son buste cette correction de ligne, cet équilibre savant, permettant à la beauté de s'épanouir librement dans la plénitude de ses charmes. Sur cet ajustement parfait, sur ce miracle d'esthétique, les couturiers pourront jeter toutes les robes qu'il leur plaira. Elles s'y déploieront avec d'autant plus de grâce qu'aucun plissement du dessous n'en viendra contrarier la chute harmonieuse. Quand je suis arrivée en France 1924, comme vous le savez, Joséphine Baker, c'était la mode de les femmes. Les femmes étaient très blanches, de peau jolie et pâles. Toutes les femmes étaient roses, roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle. Les longs chevelures assez fortes avec la taille de guêpe. Et moi, je suis arrivée en diable, disons-nous, et j'ai fait avec le coupe des cheveux à la garçonne, que c'est de nouveau à la mode aujourd'hui, la peau bronzée, et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau, chose qui n'était pas tout à fait bien pour eux au point de vue santé, mais tout de même, elles voulaient à toute force être bronzées. Alors, les maisons comme Antoine, le coiffeur, a inventé des crèmes pour bronzer la peau plus vite, paraît-il. Et en même temps, la taille de guêpe est devenue... Il est resté taille de guêpe, mais les hanches aussi étaient devenues toutes minces et allongées. Les spores ont commencé à développer les femmes pour que ça soit, qu'ils soient musclés. Et enfin, en tout et pour tout, tout est changé. Étant petite vague chagrin, j'admirais dans le magasin le teint pâle de poupées blondes. J'aurais voulu le ressembler et je disais l'air accablé, me croyant tout seul brune au monde. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur. Si mes seins, mes hanches changent de couleur, les Parisiens à joint le pain se faisaient croire au soleil d'exposer leur rein pour être noir. L'entrée secrète, elle était là, hein, c'est ça? L'entrée dans la cour, elle était là. C'est là où les messieurs passaient. Parce qu'il y avait des trucs qu'on vendait qui n'étaient pas... Voilà. Donc ils passaient là, ou alors les messieurs qui voulaient, je sais pas quoi, qui venaient avec leur maîtresse, etc. Ils passaient là, ils passaient pas par là. Et c'était bien indiqué, c'était dans les pubs, qui étaient faits par Clavry en disant « entrée discrète assurée ». Et on ne sait pas si vous allez là-bas ou dans la maison, donc vous êtes protégé. Ça, c'était le vrai escalier, ça, voilà. le vrai escalier, maintenant il est muré, mais c'était l'escalier. Donc les gens qui voulaient être discrets, ils passaient par la cour, ils rentraient de manière latérale, et puis hop, ils montaient dans les saillons d'essayage, qui sont des merveilles. Il y a des photos là. C'est juste sublime. Voilà. Et ça, c'est la boutique. Et voilà les salons d'essayage. Regardez. Florence Arachken. Et maintenant, ce sont des lofts. Eh bien, l'appartement qui est au-dessus, par exemple, avec des vitraux, on va voir ça dans la cour, c'était des salons d'essayage. Ce n'était pas des cabines, vous voyez, c'est immense. Il y avait peut-être 100 mètres carrés avec des mannequins, avec des tables, avec des. Et c'est les dames déambulaient avec des crinolines. Et ici, c'était la caisse, en fait. Les messieurs montaient, les dames montaient. Et puis, bon, les messieurs allaient dans les salons médicaux pour les bandages hernières, par exemple, les bas de contention, les prothèses, orthopédie. Et puis, les dames allaient, alors je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, dans des salons d'essayage. Et à payer, en descendant ici, c'était la caisse qui était collée contre le mur. Et il y avait une dame qui encaissait les sous. Bon, ça, je n'ai pas connu, évidemment. Et le métro, j'ai toujours entendu dire que le métro avait été conçu pour Clavery, voilà, pour desservir, parce que c'était la campagne, hein, il y a plus de 100 ans, c'était la campagne. On va dans la cour ? J'ai fermé, là. Vous voyez les salons d'essayage, vous voyez les baies vitrées là, regardez. Vous voyez, c'était conçu exactement pour ça, donc c'était super éclairé. C'est une merveille. C'est des vitraux, donc c'était très très clair. Et en plus, c'était en prise directe avec les ateliers qui étaient ici, les ajusteuses, tous les métiers de la couture et autre chose, du caoutchouc, parce qu'il n'y a pas simplement le tissu, il y a le caoutchouc. Hein. Et puis de l'autre côté, c'est là où habitaient les petites mains. Ils habitaient ici. Il faut savoir que le 10e était beaucoup plus peuplé qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein. Le 10e était infiniment plus peuplé. Hein. C'était une densité absolument inouïe. Donc vous aviez à la fois les ateliers, les gens qui habitaient, les gens qui travaillaient dans les ateliers qui y habitaient. Vous avez une densité qui était pratiquement, on y a à peu près un tiers de plus d'habitants qu'il n'y en a aujourd'hui. Hein. Pourquoi ça s'est vidé ? Pourquoi ça s'est vidé ? Bah, ça s'est vidé par le. Après la guerre, petit à petit, si vous voulez, l'impossibilité pour les petits revenus de suivre, si vous voulez, le locatif. Et puis, petit à petit, on a commencé à séparer les tâches. Mais c'est contre la vocation de Paris, en fait. Parce que la vocation de Paris, c'est justement de mettre en relation, avec une extrême densité qu'on retrouve seulement en Chine, toutes les professions, c'est-à-dire le banquier, l'industriel, le vendeur, le commercial, etc. Et c'est pour ça que vous avez tous les 200 mètres ou 300 mètres, vous avez une station de métro. C'est parce que voilà, le génie de Paris, c'est ça. C'est la capacité de mettre en relation à une vitesse extraordinairement rapide tous les métiers pour faire du business. Enfin, c'était ça l'idée principale. C'est très ramassé, c'est très dense, à la différence de Londres qui était étalée. Le type, il travaillait ici, il devait avoir sa banque à côté, il avait un atelier là, un atelier rue de Paradis, un atelier rue Louis Blanc, et tout ça fonctionnait très très vite. Et ça, c'est vraiment, c'est la clé de Paris. Les stations de métro, elles n'ont pas été faites pour que les touristes aillent dans les différents coins de Paris. Elle a été faite parce que ça permettait de mettre en relation tous les milieux économiques. Et ça, ici, ça dit bien ça. Après, dans les années 20, il y a tout un tas de représentants et de comptoirs dans le monde entier, bon, essentiellement pour les ceintures hernières, mais aussi visiblement beaucoup de publicité dans l'illustration, dans Vogue, pour les corsets. Les publicités pour la maison Clavery sont placées dans les premières pages, ce qui, d'après les spécialistes de la publicité, est quelque chose de extrêmement cher et qui correspondrait aujourd'hui aux publicités des plus grandes marques qu'on peut trouver dans Vogue actuellement. Donc ça montre la force financière de la maison Clavery. Dans une publicité parue dans Vogue dans les années 1920, on voit que subsiste toujours l'adresse du Faubourg Saint-Martin, mais également une adresse beaucoup plus prestigieuse, 12 rue Tronchet, donc proche de la Madeleine, proche des magasins de luxe. Et puis ce qui est assez impressionnant, c'est que figurent aussi différentes adresses, donc à Lyon, à Bordeaux, à Béziers, à Marseille, à Nantes, à Bruxelles, et toujours dans des quartiers très commerçants. Et puis tous les comptoirs à l'étranger. Avignon, Valenciennes, Angoulême, Tarbes, Lille, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Alger, Douai, Cherbourg, Narbonne, Genève, Bordeaux, Nice, Le Havre, Angers, Perpignan, Boulogne-sur-Mer, Roanne, Arras, Brive, Casablanca, Dijon, Le Mans, Montpellier, Belfort, Alès, Caen, Grenoble, Strasbourg, Chalon-sur-Saône, Dunkerque, Buenos Aires, Moscou. Et donc en 1922, l'associé donc de Auguste Claverie, donc qui est décédé en 1914, indique qu'il emploie plus de 600 personnes dans la France entière. Donc non seulement dans les usines du 10e arrondissement, mais aussi des usines dans l'Aube. Oui, mes amis, c'est la rançon du progrès. Mais le succès impose aussi des devoirs. Et c'est à vous, mes collaborateurs, que j'ai pensé. Voici mon programme. Réintégration du personnel licencié sans motif. Création d'une caisse de prêt au mariage. Et vous, jeunes mères, construction d'une maternité, garantie d'une retraite honorable à ceux qui toute leur vie auront peiné ici. Désormais, vous n'êtes plus mes employés, vous êtes mes associés. Pendant la Première Guerre mondiale, on est quand même au zénith hein, de Claverie. La firme, la Romilly, elle occupe 225 ouvriers, 75 employés, si vous voulez, en 1911. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. En plus de ça, c'est de tradition catholique, etc. Très tournée vers le... Ils ont créé une société de secours mutuel et de retraite pour les ouvriers. Donc c'est un paternalisme assez avancé, voilà, et avec une protection assez forte, et qui d'ailleurs, à la fin, a posé des problèmes. Georges Beauce est décoré de la Légion d'honneur, donc il est chevalier en 1922. Et dans le document d'archives, on peut lire dans l'argumentaire qui lui permet sa décoration des éléments qui nous éclairent sur l'ampleur de cette maison. Je lis quelques extraits. C'est uniquement par ses efforts personnels que M. Georges Beauce est parvenu ainsi, en l'espace de 25 années, à faire de son entreprise la plus importante du monde entier. Il convient d'observer qu'il a eu cependant à lutter contre la concurrence étrangère, et ceci dans des conditions assez défavorables, étant donné le genre de son industrie. Pour cette production, la France est en effet tributaire des Anglais et des Américains qui détiennent les cotons et les fils de gomme. L'étranger fabrique également la plupart des métiers et machines employés à cette industrie. Il est bien spécifié dans l'argumentaire pour qu'il ait la Légion d'honneur que Georges Beauce apporte un soin particulier à ses employés. Parmi les populations ouvrières du département de l'Aube, pourtant si averties des nouvelles tendances socialistes et pratiquant même si fréquemment les doctrines communistes et révolutionnaires, il est à retenir que M. Georges Beauce jouit d'une estime et d'une réputation qui lui ont été faites. Ces ouvriers savent qu'il s'est toujours arrangé pour leur éviter le chômage, souligné. Aussi lui ont-ils évité les grèves, même pendant les nombreux conflits qui ont eu lieu dans la bonneterie. Ces ateliers ont continué à marcher et jamais aucune difficulté sérieuse ne s'est élevée entre M. Beauce et ses ouvriers et ouvrières, qui professent à son égard l'opinion suivante: si tous les patrons étaient comme M. Beauce, les conflits du travail seraient bien vite réglés. Claverie, en 1900, il s'offre une somptueuse résidence en Dordogne, les Milandes. Alors, c'est un château Renaissance, mais pour montrer les sous qu'il avait, ça lui permet de restaurer les bâtiments, construire de nouvelles tours, un chai, une ferme, un jardin à la française. Donc c'est gigantesque. Et c'est cette même propriété, qui était, paraît-il, extraordinaire, qui a été vendue par la veuve à une cliente qui a eu un certain succès entre deux guerres et après, qui est Joséphine Baker, qui avait pris tous les enfants qu'elle rencontrait et qu'elle avait rassemblés dans le château, qui était devenu assez mythique. Quoi. D'ailleurs, elle n'avait plus de sous pour l'entretenir, tellement c'était énorme. Ne me dis pas que tu m'adores, mais pense à moi de temps en temps. Car bien de fois le cœur ignore ce que la main écrit souvent. Ne jure pas d'être fidèle, je veux le croire malgré toi. Mais si les filles là-bas sont belles, de temps en temps, Bonjour, monsieur. Je suis en train d'admirer parce que c'est tellement beau. Oui, hein. Oh, je vous en prie, vous pouvez... Oui, bien sûr. C'est magnifique. Merci beaucoup. J'imagine que c'est protégé. C'est classé historique. C'est comme un musée ici. Mais c'est aussi une boutique. Voilà. Vous arrivez à concilier les deux? On arrive à concilier les deux. L'idée, c'est de mettre en valeur du patrimoine et en même temps, donc en décoration, mais en même temps de ne pas être ouffé par le côté musée parce qu'on est quand même un lieu de vente. Voilà, donc c'est un mélange des deux. Si vous voulez prendre des photos, n'hésitez pas. Hein. Si. Merci, au revoir. Il faut croire que nous porterons des choses extrêmement nouvelles dans toutes les matières, dans toutes les formes, car le mystère le plus absolu règne jusqu'à maintenant, et c'est à peine si Monsieur Deschamps, qui est président de la Chambre syndicale nationale des fabricants de lingerie, veut bien la dévoiler. Et vraiment, c'est pour nos auditrices de rendez-vous à 5 heures. Exactement. Alors, tout de suite, parlons des nouveautés. Les nouveautés vont se trouver cette année sous le signe du bleu. Il s'agit du bleu glacier, un bleu très franc, très net. On a une façon de travailler qui est à l'ancienne. On prend les mesures des femmes. Il y a 7 femmes sur 10 qui ne connaissent pas leur taille de soutien-gorge. Même celles qui vous disent « si, si, si, si, si, ben c'est non, non, non, non, non. » Donc avec un mètre, on prend les mesures exactes. Sous la poitrine, la mesure des seins, la mesure du dos. On étudie aussi les coupes des soutiens-gorge. Forme de soutien-gorge très ajusté jusqu'à la taille. La cliente qui vient me voir, bon, elle voit déjà en vitrine un petit peu ce qu'on a exposé à l'intérieur de la boutique. Elle me donne sa taille, par exemple, je dis n'importe quoi, 90B. Et là, abracadabra, j'ouvre ma très jolie armoire, et là, j'ai tous mes ensembles qui sont classés par taille, qui sont classés par couleur, qui sont classés par collection. C'est un empilement de petites boîtes blanches et exactement, ça ressemble à une armoire à pharmacie. Exactement. Alors, je peux vous sortir quelque chose? Bah tiens, une vente que j'ai faite ce matin. Voilà. C'est frais, c'est délicat. Voilà, moi j'aime beaucoup. Là, vous avez de la résille, donc c'est un mélange de dentelle. Il y a une touche d'argent. C'est un soutien-gorge à corbeille. L'idée, c'est qu'au niveau de la forme, si vous voulez, le sein déborde un peu, soit un petit peu pigeonnant, un petit peu à la Marie-Antoinette, vous voyez? Je peux aussi vous expliquer la différence entre culotte, string, tanga, boxer, shorty. Culotte, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hein. Une culotte, c'est une culotte. Le string, je pense aussi que tout le monde sait ce que c'est. C'est la fameuse ficelle. Voilà, mais des fois, vous avez légèrement plus large. Ça reste du string. Le tanga, vous allez avoir un tissu qui est un petit peu plus large, qui va légèrement, mais très légèrement, couvrir les fesses. Le boxer, on va dire que c'est comme une culotte, mais c'est beaucoup plus large au niveau des hanches. Et vous avez le shorty, qui est donc un boxer qui est un peu plus court. Je vais vous en montrer un. Voilà, vous allez voir tout de suite. Et ça, ça plaît énormément. Dans le monde, quand nous sortons, nous montrons nos bras, nos épaules, provocantes, nous nous décolletons à faire des jolies les deux poules. Nos maris s'écrient, quel usage peut-on avoir si peu de boules? Nos maris s'écrient, quel usage peut-on avoir si peu de boules? Mais fermez donc votre corsage, vous montrez tout. Vous montrez tout, mais fermez donc votre corsage. Vous montrez tout, tout, tout, tout, tout. Rien du tout. C'est la fin de ce premier épisode. Demain à 13h30, ce sera la suite de l'histoire de la boutique Laverie et de son étonnant propriétaire.